Chapitre 5e, la mort de Serge Basset. Nous étions depuis plusieurs jours cantonnés à la ferme, avec les officiers de l'état-major, quand je vis arriver un matin Henri Ruffin, correspondant de l'agent Savas, signor Bedolo, correspondant du Giornale d'Italia, et notre grand confrère et ami Serge Basset, envoyé par le petit Parisien au front britannique. Serge Basset était une des figures les plus sympathiques parmi la presse parisienne. Nous l'aimions tous pour sa belle nature franche, vive et loyale, autant que pour ses qualités professionnelles. « Vous arrivez à point, » lui dis-je, après les compliments de bienvenue. « Le canon tonne du côté de Lens, et on nous annonce de bonnes nouvelles. Les Anglais ont attaqué sur les deux rives de la Souchet. »« Tant mieux, » me répondit-il, « je suis avide de nouveau. » Le soir même, les bonnes nouvelles se confirmaient. Nos alliés s'étaient emparés de 2 kilomètres de tranchées aux environs d'Opi, si bien que le saillant de Lens devenait de plus en plus difficile à tenir pour les Allemands. Le lendemain matin, vendredi 29 juin, nous étions autorisés à nous rendre aux abords de Lens. Tout le long du chemin, en automobile, Serge Basset fut d'une gaieté étourdissante. Il était vêtu d'un costume kaki avec sa croix de la Légion d'honneur sur la poitrine. Il avait l'air et le flegme d'un officier anglais. Le temps était superbe. À un tournant de la route, notre auto stoppa. Nous descendîmes, afin de continuer à pied notre chemin. Je remarquai une bande kilométrique portant cette indication, Lens, 5 500 km. Notre petite caravane ressemblait à une théorie de pèlerin, le bâton à la main, le masque en bandoulière, à travers les ruines désolées de ce malheureux pays. Nous trouvâmes plusieurs inscriptions allemandes. « Je vais en mettre de côté quelques-unes que je reprendrai au retour, » dit Serge Basset. Et il alla placer dans le fossé divers écriteaux de bois sur lesquels étaient imprimés des caractères allemands. « Vous allez vous embarrasser de bibelots bien inutiles, » lui dis-je. « Évidemment, cela ne vous paraît pas présenter un fort grand intérêt. Cet écriteau qui vous apprend que le 3e bataillon de la 2e compagnie du 17e régiment de la Landwehr a cantonné par ici. Mais ce n'est pas seulement un souvenir que je désire emporter. C'est une pièce à conviction. C'est la preuve que je suis passé par cet endroit. » « Empêcherez-vous, les imbéciles, répondis-je, de dire que les articles des journalistes du front sont faits à tête reposée sur une table de café à l'arrière ? Non, vous avez le souci de la vérité, et je vous en loue hautement. Mais permettez-moi, mon cher confrère, de vous dire qu'en bien des cas, la recherche de la vérité n'oblige pas à commettre des imprudences. Vous en avez de bonnes. Il est imprudent de ramasser des écriteaux. Je ne dis pas cela, mais à propos de cela, je vous conseille la prudence, parce que vous êtes trop audacieux. « Le fait est, reprit Henri Ruffin, que vous êtes un intrépide, mon ami Serge. Allant toujours de l'avant, passionné pour la bataille que vous devez écrire ou résumer, vous ne pensez jamais au danger. » « Et dire, reprit Serge Basset, qu'il est de mode de railler les journalistes qui accompagnent les armées et de déclarer qu'ils ne courent aucun risque. Hier, le correspondant d'un grand journal canadien est tombé, asphyxié par un obus à gaz. Cela ne détruira d'ailleurs pas la légende. » Tout en devisant ainsi, nous arrivâmes à Liévin. En passant devant un jardin, ou plutôt devant ce qui avait dû être un jardin, Serge aperçut, au milieu d'un monceau de cendres, appuyé encore contre un restant de muraille, la tige d'un rosier grimpant qui supportait, et superbement épanoui, une rose du plus beau rouge. Il la cueillit et la plaça en cocarde à sa boutonnière. « Est-il imprudent de cueillir des roses ? » demanda mon confrère en se tournant vers moi. Je souris, comprenant fort bien l'ironie de la question. Qu'aurais-je répondu alors si j'avais pu prévoir le terrible événement qui allait se passer? Des blessés anglais s'égrenèrent sur la route, et Serge, qui parle admirablement leur langue, en questionne quelques-uns, en encourage quelques autres, puis il les quitte en leur faisant un salut amical de la main, et avec cet accent de bonté que nous aimons tant en lui, il leur souhaite « Good luck, my boys !»« Bonne chance, mes enfants !» Nous avons dépassé la fosse numéro 3, et nous arrivons aux abords de la côte 65, prise d'assaut 2 jours auparavant par nos alliés. C'est une magnifique position, dont le sol révulsé porte encore quelques cadavres. « Montons là-haut !» s'écrie Serge Basset. « Nous verrons quelque chose de beau. » Du sommet de la crête, sur la droite, nous distinguons les ruines des réservoirs de Lens. « N'allez pas de ce côté-là » crie aussitôt le capitaine Hale, notre guide. « C'est dangereux !» Soit que Serge n'eût pas entendu, soit qu'il obéisse à une voix plus impérieuse que celle de notre chef, il prend la direction des ruines. Franchissant les trous d'obus, il est bientôt au but, et nous voyons sa large et grande silhouette surmontée de la rose qu'il avait arborée se profiler sur l'horizon. Ruffin, de l'agence Abbas, est celui de nous qui se trouve le plus rapproché de notre confrère du petit Parisien. « L'imprudent !» dit-il, et comme s'il avait le funeste pressentiment du danger, il court pour lui faire part du désir du capitaine de le voir revenir un peu en arrière. « Regarde comme c'est joli !» lui dit Serge, en lui montrant l'anse à ses pieds. C'était en effet un spectacle profondément émouvant. À 300 mètres à peine, des obus britanniques écrasaient sans arrêt la première ligne allemande. Pas un coup de canon, pas un coup de fusil venant de l'ennemi. On pouvait avoir en ce moment l'impression de la sécurité absolue. Soudain, j'entends un coup sec et proche de nous. Serge pousse un cri. « Je suis perdu !» Ruffin le reçoit dans ses bras. Nous nous précipitons au secours de notre pauvre ami, balbutiant je ne sais quoi afin de le rassurer. Le plus pressé est de le mettre à l'abri des nouveaux coups. Un trou d'obus énorme se trouve derrière nous. Nous couchons Serge sur le dos et nous le glissons au fond de l'entonnoir. Déjà, notre confrère italien Bedolo est parti au pas de course chercher des brancardiers. Le capitaine Hale demeure à nos côtés. Dès que notre ami rouvre les yeux, sa première parole est pour sa femme et ses enfants qu'il recommande à notre amitié. Puis il ferme à nouveau les yeux et murmure d'une voix presque éteinte « Oh, que je souffre ! Mon Dieu, que je souffre !» Nous ne savons hélas que répondre. Nous ne pouvons qu'attendre le secours des brancardiers. Serge est mortellement frappé. La balle avait pénétré un peu au-dessus du foie. La blessure saignait abondamment et malgré tous nos essais de compression, nous ne parvenions pas à arrêter ni même à modérer l'hémorragie. Jamais le ruban de la Légion d'honneur n'avait brillé sur sa poitrine d'un aussi vif éclat qu'en ce moment. Serge répéta à 4 reprises différentes le nom de sa femme et de ses enfants. Puis, il regarda le capitaine Hale, qu'il avait en profonde estime, et lui dit « Je vous aime bien, capitaine ». Et tournant de notre côté sa tête déjà exsangue, il ajouta « Et vous aussi, mes amis ?» C'était atroce, et il ne fallait pas pleurer. Nous dûmes attendre une grande demi-heure avant que les brancardiers parvinssent jusqu'à nous. « Ils ne viendront pas, » disait Serge. « Ils ne viendront pas, ils vont me laisser mourir ici. » Ils vinrent enfin. Ruffin, qui était remonté à la surface de la terre, les aperçut gravissant la côte en toute hâte. « Les voici » annonça-t-il. Mais ces mots, qui eussent réjoui notre pauvre ami 5 minutes auparavant, il ne les entendait plus. Il venait d'entrer dans le coma. Alors il se passa une chose épouvantable. Dès que les Boches eurent découvert les brancardiers, eux qui ne tiraient pas un coup de canon, ils déversèrent sur le triste lieu d'où nous essayions d'arracher notre ennemi un déluge de mitraille. On prit la route, en se cachant du mieux que l'on pouvait, d'entonnoir en entonnoir. À peine avions-nous atteint le 3e trou d'obus, que Serge rendit l'âme. Ainsi mourut Serge Basset, de la mort de ses soldats français, britanniques, italiens, qu'il avait vus, et qu'il voyait à l'œuvre, et dont il ne cessait de célébrer la grandeur d'âme. Ainsi s'achève le carnet d'un reporter par Gustave Lerouge.